14 juillet, bien, c'est bien. 14 juillet, qu'est-ce que tu trouves bien? Tout le monde là, place des quinconces, la tête en l'air, comme ça. Et toi, les poches, les poches.